Salut à tous les petits mangakas et bienvenue sur la chronique du manga. Ici c'est Ryodoka et aujourd'hui on va parler de trois œuvres. Et pour cela, je suis accompagné de Fred. Salut Fred. Salut. Et de Gigi. Salut. Alors Gigi, de quel manga tu vas nous parler aujourd'hui? De l'équipe Z, qui a été paru par l'éditeur Cottage Edition en 2016 et les auteurs de Edmond Toriol, de Daniel Fernandez et de Albert Carré. D'accord. Et qu'est-ce que tu en as pensé? Je trouve le manga simple et bien détaillé. Le chara-design me rappelle à celui qu'on pouvait retrouver dans les années 80-90, comme L'École des Champions et Olive et Tom. Les nostalgies adoreront cette ambiance. Il y a clairement une inspiration de Capitaine Tsubasa avec leur super technique de foot qui n'est pas pour déplaire. Le manga en lui-même est facile à lire. Les pages ne sont pas surchargées. Il règne une ambiance bon enfant qui plaira aux fans de manga et au foot. D'accord. Est-ce que tu peux peut-être nous raconter un peu de quoi il parle, ce manga-là? En fait, ça parle d'un jeune adolescent doué et timide qui fait la connaissance d'un flamboyant Majid, un footballeur maudit. D'accord. Bien que plus grand, ils apprendront à se serrer les coudes les uns des autres. Avec des épreuves impitoyables et imprévisibles entre eux, et ils rencontreront le coach Adrien. D'accord. Après c'est... Bon, comment dire, c'est une histoire humaine où ils intègrent une équipe de foot avec d'autres gens, d'autres jeunes, et comme ça rappelle pas mal l'école des champions. Et, oui, comme tu l'as dit juste avant, quoi, en fait, hein, l'école des champions, Olive et Tom. Bon, il n'y a pas de crise cardiaque en plein milieu du terrain cette fois-ci. Non, il n'y a pas du terrain qui fait 50 km non plus. Ah, c'est cool, parce que bon, sinon ça fait long quand même, hein. Surtout au niveau des pages. Si on imagine, chaque case, ça fait un mètre, t'as un tome. Le temps d'aller marquer un but. Après, quelles sont les lectures? C'est une lecture assez simple. C'est pas des grosses cases avec du texte comme certains mangas que je ne citerai pas. Après, c'est assez rapide. C'est un shonen sur le foot, donc je pense pas qu'il y ait besoin de beaucoup de texte, en fait. Je pense que c'est surtout les images qui comptent. Oui, les images sont super bien faites. On voit vraiment l'inspiration du chara-design qui a fait... J'ai plus l'auteur en tête de Capitaine Tsubasa et de l'École des Champions. D'accord, ok. Bah, moi, aujourd'hui, pour cette émission-là, j'ai lu Golem. Je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait interviewé deux des auteurs au Manga Latin. Avec Stallone et Amandine Tagliavini, tout à fait. Oui, merci. Ouais, voilà. Donc c'est, et puis bien sûr, il y a aussi Fred Zolfanelli qui participait aussi au scénario. Hein, comment il s'appelle, Sparadra dans la série Noob, pour ceux qui connaissent. Et c'est l'idée édité, enfin ce n'est plus maintenant, mais au moment actuel, pour l'instant, c'est édité chez Olidri Édition. Le petit point sur son histoire au final, c'est que sur le continent d'Alvaléris, donc il y a des chasseurs de reliques, hein, on les appelle les reliqueurs. Il y en a beaucoup beaucoup. On pourrait presque les assimiler à des pilleurs de tombes. Bien qu'on apprend un peu plus tard dans le manga en fait que c'était pas le but d'origine. Hein. Tout ce peuple-là a perdu son histoire et à la base les reliqueurs étaient là pour chasser et retrouver l'histoire qu'ils ont perdue. Un soir, donc Luko, qui est donc le héros, et Ime, qui est aussi donc l'héroïne, tombe par accident sur des ruines et d'une civilisation perdue, et du coup ils vont faire une découverte, une sorte de relique mystérieuse avec des runes qu'ils n'ont jamais vues, et ça va changer leur vie. Alors moi, ce qui m'a surtout interpellé sur ce manga, c'est le dessin. On sent l'empreinte de grands mangaka, comme Leiji Matsumoto ou Go Nagai. J'ai même des fois vu un petit peu de cobra dans les expressions des personnages. L'histoire est vraiment très très sympathique, un bon shonen bien classique. Je pense pas qu'il y aura une réelle évolution sur les héros comme on l'a souvent dans les shonen. Mais c'est vrai que c'est très intéressant et on voit que les personnages ont un passé assez lourd, assez sombre. À côté de ça, on a quand même des passages très rigolos et le dessinateur est capable de vraiment garder son style tout en en le modifiant pour donner des côtés un peu kawaii de temps en temps et tout, ou des expressions hyper dures comme on pouvait voir à la fin des dessins animés dans les années 80 où on avait l'image de fin qui était comme crayonnée. Bah là c'est pareil, il y a des moments c'est comme ça, c'est vraiment génial quoi. Il y a un gros problème sur ce sur ce manga. C'est son éditeur actuel, enfin il n'est plus éditeur maintenant heureusement, mais j'ai vraiment regretté d'avoir acheté ce tome et de pas avoir attendu la nouvelle édition, parce que la pression est déplorable, elle est vraiment honteuse, il y a pas d'autre mot. Les pages sont mal coupées, les trames sont extrêmement sombres et mal imprimées, puisqu'on voit des bavures sur tout le long. Des images qui deviennent pixelisées, voire floues. Des fois, il y a des images, j'ai dû m'y reprendre 5-6 fois pour comprendre ce que ça signifiait. C'est vraiment médiocre, quoi. On ne s'invente pas éditeur. C'est leur premier manga chez Olydris Édition. Et franchement, ils ne sont pas faits pour ça. Voilà, c'est vraiment une honte, vraiment. J'appelle ça du vol au point de vue de qualité d'impression. C'est très très grave, hein. Franchement. Ça gâche, quoi. Ça gâche. J'ai vraiment eu du mal à lire le manga, malgré l'histoire, malgré le dessin, tout ça. Et tout, alors que tout ça à cause de l'impression. Sachant que j'ai vu les planches au Manga Galaxy en plus. Donc je sais la qualité des planches, je sais en quelle taille elles étaient faites. Donc pour qu'elles soient pixelisées, il fallait quand même y aller, de manière relativement sauvage, quoi. C'est ça quand il y a des gens qui veulent tout toucher. Entre le visuel et l'audio et etc. Quoi. Ah ben de toute façon ça se voit à la fin du manga, puisqu'il y a presque une dizaine de pages de publicité sur tout et rien. Il y a trois pages où sur un roman, le volume 1, le volume 2, le volume 3, où il y a la BD, je ne sais plus, enfin bref, c'est voilà. Après, on a même de la pub pour le blob de Gaïa. Qu'est-ce que ça vient faire là? On a l'habitude de voir quelques pages de publicité à la fin de nos mangas pour nous présenter les autres parutions en manga. Là, la seule page de publicité qui était en rapport, éventuellement, c'est la BD qui allait avec le roman. Et puis le Sentai School qui est une vulgarisation où ils se moquent de tous les styles du manga. Enfin, je suis pas très très fan déjà de base. Mais dans tous les cas, si c'est imprimé pareil que celui-ci, je l'achèterai certainement pas. Heureusement les auteurs ont décidé donc du coup de changer d'éditeur avec un nouveau logo pour le titre. Donc moi, ce que je peux conseiller à nos auditeurs, c'est vraiment d'attendre cette édition-là. L'édition prochaine, en fait, ouais. Voilà, parce que ils pourront vraiment apprécier l'œuvre, qui est vraiment super et qui mérite d'être lue. Hein, c'est un manga français, on n'en a pas beaucoup qui sortent, qui ont vraiment une qualité extraordinaire. Hein. J'avais dit la dernière fois sur Booksters, où j'avais été très déçu d'apprendre que les décors que j'avais vus au premier abord, qui étaient magnifiques, étaient en fait de la 3D. Donc c'est un peu déplorable, j'ai envie de dire, aujourd'hui. Là, on a un manga avec un dessin qui est vraiment superbe, avec une histoire qui est vraiment sympathique, on a envie de savoir la suite, et qui est gâché par un éditeur, un groupe qui veut faire tellement tout, qui ne juge pas la qualité. Voilà. C'est un peu dommage, c'est vrai. Ouais, c'est vraiment dommage. J'avoue que j'ai été extrêmement déçu et vraiment très en colère. Le pire, c'est que j'ai envoyé un mail à l'éditeur pour leur demander pourquoi ça a été comme ça, essayer de leur demander une explication, parce qu'ils avaient peut-être une excuse valable. Ils ont fait la sourde oreille. Voilà. Donc. Ils ont fait ça pour le pognon, quoi, surtout. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais le manga, c'est avant tout une œuvre avant d'être une usine africaine. Voilà. Ben voilà, donc du coup, attendez la nouvelle édition de Golem et surtout, allez l'acheter quand il y aura la nouvelle édition, parce que ça mérite d'être lu, mais pas chez Olydri. Voilà. Est-ce qu'on sait déjà chez qui elle va sortir du coup ou pas? Non, j'ai cherché, j'ai pas trouvé, mais je pense que si vous suivez la page d'Alexis Talon ou de Sparadrap, de Noob, etc. Où il y aura les informations. Déjà, sur la page de l'IDRI, c'est marqué qu'il y avait marqué, il y a marqué changement d'éditeur. D'accord, c'est un bon indice déjà. Voilà, donc on croise les doigts, j'espère qu'ils trouveront un bon éditeur, je m'inquiète pas trop là-dessus. En tout cas, c'est dommage parce que Olidri aurait pu au moins faire un geste vis-à-vis des gens qui avaient acheté le manga. Pas grand-chose, j'en sais rien, faire un truc pour s'excuser. Mais là, en fait, ils font la sourde oreille, ils en ont rien à faire. C'est extrêmement dommage et ça prouve à quel point ils considèrent les gens qui les suivent. Oui, c'est pas très... Voilà. Pas très très bon, quoi, pour un éditeur. Ouais. Il y avait déjà des antécédents, j'ai envie de dire, à l'époque de leur série Noob. Ils avaient sorti un roman. Et il fallait acheter le roman pour comprendre la saison qui suit. Ça a tellement, j'ai envie de dire... Ragé. Qu'au final, il a fait des petits épisodes pour combler ça. Et qu'au final, il n'y avait plus besoin de lire le roman. Mais ils ont quand même essayé de forcer les gens à acheter un bouquin. Pour pouvoir suivre leur série à succès. Donc, c'est toujours pareil. On retrouve toujours ce genre de méthode. Et c'est vraiment dommage. Dommage parce que quand on a la chance de faire ce genre de choses, c'est dommage de les gâcher en marchant sur les gens grâce à qui on est arrivé là. C'est clair, d'autant que si les gens aiment, ils vont continuer à acheter naturellement. Enfin... Bien sûr, tout à fait, d'accord. Des gens qui viennent du milieu du court-métrage ont toujours fait comme ça. Je pense à la Flanders Company qui ont sorti des BD à côté. Bien sûr qu'ils peuvent sortir sur d'autres formats, mais on peut acheter les BD et suivre la série vraiment à part. Même Alexandre Astier, hein, le grand Astier qui, lui, avec sa série Kaamelott, a sorti des BD, mais on peut lire la BD à part. Et on peut garder lire la BD sans avoir vu la série et inversement. C'est ça qui est génial. Donc oui, faire plusieurs supports, c'est bien, mais pas à n'importe quel prix. Voilà. On va s'arrêter là, on va arrêter de leur casser du sucre un peu sur le dos, et vont nous haïr sinon. Ce sera peut-être pas nous, bien grave. Nous, on est tout gentils. Nous, on est des gentils à la base. La prochaine fois, ils feront mieux, ils nous répondront à nos mails. Allez, voilà, exactement. Et du coup, et toi, Fred. Pas grand-chose, quand même. Fred, qu'est-ce que tu as lu, toi, pour cette émission? Alors, moi, j'ai lu Perfect World. D'accord. Alors, c'est un chausé. Donc, le shōjo, c'est quand même un peu un descendant du shōjo, comme on disait. Donc, dedans... Alors, par quoi tu veux que je commence? Plutôt mes impressions, plutôt l'histoire? Ah bah, c'est toi qui vois. C'est toi d'accord. qui vois. Alors, je te raconte un peu l'histoire. Déjà, là-bas, c'est Tsugumi Kawana, qui a 26 ans, qui est décoratrice d'intérieur. Donc, elle fait partie d'une grande entreprise qui est reconnue. Et au détour d'une soirée professionnelle, elle va retrouver un ami, un homme qu'elle a aimé dans le passé. D'accord. Donc, qui était étudiant en même temps qu'elle au lycée. Et seulement, quand elle le retrouve, elle s'aperçoit que il y a beaucoup de choses qui ont changé pour lui, puisqu'il a eu un accident de voiture, il est en chaise roulante. D'accord. Donc là, dans ce roman, dans ce manga, on aborde le thème du handicap. Donc c'est intéressant pour plusieurs sur plusieurs niveaux. Déjà le fait qu'on est sur une tranche de vie mais pas adolescente. Alors, souvent dans les shoujo on se retrouve dans des tranches de vie adolescentes. Oui, mais le shōsei c'est pour adultes déjà, donc voilà, c'est normal. Voilà, le shōsei c'est pour adultes, donc on se retrouve avec des adultes. Mmh. Avec un regard du coup qui va être tout autre, parce qu'à l'adolescence, forcément, on a des qualités, mais quand on devient adulte, on comprend mieux certaines choses. Oui. Là, est-ce qu'elle va avoir la force de commencer une nouvelle relation avec lui? Le regard des autres, ça compte aussi. Oui. Donc, ce manga parle un peu de tous ces sujets-là. Ce qui est intéressant, c'est aussi que l'auteur a été dans le milieu médical. Et justement, est allé voir comment se passe le handicap pour pouvoir traiter du sujet de façon avec empathie, on va dire. Mmh. C'est-à-dire qu'elle se met vraiment à la place des personnes handicapées. On sent qu'il y a une recherche vraiment importante derrière le sujet. Oui, c'est un sujet qui n'est pas facile déjà. Voilà, c'est un sujet délicat. On sent qu'elle ne veut pas blesser les personnes handicapées, mais qu'à côté de ça, il y a quand même des choses à traiter dans le sujet. Et le regard des autres, évidemment, c'est super important, quoi. Donc voilà, au niveau chara-design, donc ça, c'est un côté, moi, qui me plaît beaucoup, parce que, en fait, quand on ouvre le manga, on voit qu'il y a pas mal d'espace dedans. Donc, c'est un sujet lourd, mais le fait qu'il y ait pas mal d'espace, ça permet d'alléger un peu aussi le sujet. Mmh. Des personnages, un peu comme dans les shoujo, où c'est des visages assez doux, qui font aussi que le sujet devient plus léger aussi par ça. Donc, ça a un côté vraiment très agréable. D'accord. Là, on a eu la sortie de ce manga au mois d'octobre, mm-hmm. et il y a le tome 2 qui va bientôt paraître, puisqu'il paraît début décembre. Là. D'accord. Ok. Voilà. Ah, bah c'est génial. Ok. Donc, j'ai pas dit non plus. C'est à quelle édition, oui. Voilà. Alors, l'édition, attends, je vais prendre mon livre. Akata. Donc, d'accord. C'est l'édition Akata. Et qu'est-ce qui pouvait être utile ? Il est pré-publié chez Kiss aussi. D'accord, ok. Après. Ok. Je suis pas sûre qu'on le trouve chez nous. Bon, déjà. Mais bon... déjà, on a le manga, c'est déjà super. Voilà, bah oui, bah, on ne sait jamais. Hein, peut-être que maintenant, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on a quand même Ofeb qui est apparu il y a quelques années maintenant et qui nous amène les light novels. Donc, on peut toujours espérer d'avoir de plus en plus de choses venant du Japon et c'est génial. Ouais, le magazine, ouais, c'est vraiment bien. Ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. Hein, merci Fred. Merci Gigi. Merci. Comme pour j'ai dit l'autre fois, hein, n'oubliez pas, hein, ce n'est que notre avis, mais le plus important, c'est qu'il faut que vous fassiez le vôtre. À bientôt sur Radio Anime. Salut. À bientôt.